Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Joan Miró, je me tiens strictement sur le terrain de la peinture, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Léo Costen, réalisée par Michel Sidorov. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de l'artiste, peintre, sculpteur Joan Miró, né à Barcelone le 20 avril 1893. Il se trouve qu'une expo lui est consacrée au Grand Palais à Paris jusqu'au 4 février prochain, qui nous offre une rétrospective magnifique de l'œuvre et de l'histoire du peintre. L'œuvre de Joan Miró est monumentale, n'ayons pas peur des mots, foisonnante, protéiforme, autant qu'elle est lumineuse, poétique et inventive. Ses couleurs vives, ses traits calligraphiques, ses animaux magiques, ses formes imaginaires et obsédantes. Avec cet arsenal créatif, l'artiste catalan se réinvente en permanence et n'est jamais rassasié de nouveautés. Miró travaille ainsi la couleur, mais aussi la matière. Il utilise les pinceaux, également les couteaux ou le feu. 35 ans après sa mort à Palma de Mallorca, le 25 décembre 1983, Joan Miró, qui se définissait comme catalan international, est devenu une figure iconique du monde de l'art. Et plus le temps passe, plus son art devient universel, dépasse les frontières et les genres. Ses œuvres vivent en dehors des musées, oui, sur les murs d'institutions prestigieuses. Son influence a pénétré le design, l'architecture et se déniche dans des endroits toujours plus inattendus. Il a vécu en Catalogne, au Baléares, mais aussi à Paris. Il était l'ami d'Apollinaire, d'Aragon et de Prévert, de Paul Éluard, de René Char, de Masson et Picasso, entre autres. Il a partagé l'inspiration des surréalistes, mais dès les années 30, Miró manifeste son désir de s'affranchir de tout mouvement, d'abandonner les méthodes conventionnelles de la peinture pour, selon ses propres mots, les tuer, les assassiner ou les violer. Il entre alors dans une expression contemporaine, ne se plie à aucune exigence extérieure, ni à celle de l'esthétisme, et pas plus qu'à celle du surréalisme. Voilà, pour nous faire découvrir la beauté, les rêves et les angoisses de Miró, nous expliquer l'homme engagé dans son art, qui fut l'un de ses amis, nous recevrons, après la fiction, Jean-Louis Prat, longtemps directeur de la Fondation Magde à Saint-Paul-de-Vence. Historien de l'art, Jean-Louis Prat est le commissaire de cette rétrospective Miró, la première à Paris depuis Beaubourg 2005. Elle est à visiter jusqu'au 4 février donc, à Paris au Grand Palais, et présente quelques 150 œuvres, des peintures, mais aussi des sculptures et des céramiques, dont certaines n'ont jamais été vues en France. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Je me tiens strictement sur le terrain de la peinture. Joan Miró, de Léo Costen. Une réalisation de Michel Sidorov. La musique. La musique et la poésie. Dans mon isolement volontaire, que j'ai besoin de vous. Que vous m'enveloppiez, me suggériez des formes, me montriez la voie. Il faudra que je dise un jour au titulaire de l'orgue à quel point il joue bien. Après déjeuner, c'est le meilleur moment. Il n'y a personne dans la cathédrale, personne pour troubler ma communion avec Bach. Je me concentre, loin des événements politiques qui pourtant me marquent si profondément. Ça y est, la lumière se répand dans l'obscurité à travers les vitraux, en une flamme orangée. La beauté de cette lumière filtrante. Tous les matins, je peins et plus je travaille, plus j'ai envie de travailler. La musique m'aide, la poésie aussi. Mallarmé, Rimbaud. Ils sont comme une amorce à la création, une mise en condition en quelque sorte. Tiens, un vieux clou tordu, tout rouillé. Je prends. Il me faut un point de départ, ne serait-ce qu'un grain de poussière ou un éclat de lumière. Cette forme me procure une série de choses, une chose en faisant naître une autre. Un bout de fil, par exemple, peut me déclencher un monde. Maintenant, direction la plage. Peut-être trouverai-je sur le sable une planche, une branche pourrie, que sais-je encore. J'adore assembler ces petits riens qui deviendront probablement une sculpture. Ainsi, j'aurai redonné vie à ce vieux clou tout rouillé. À demain. Dans les années 50, Joan Miró aimait en effet, après avoir longuement regardé la mer, se plonger dans l'obscurité illuminée de la cathédrale de Palma de Mallorca. Il avait un peu moins de 60 ans. Il était connu dans le monde entier, sauf dans son pays, l'Espagne, où la dictature du général Franco n'en finissait pas de terroriser son peuple. Miró n'en parlait jamais. Il se tenait strictement sur le terrain de la peinture. Mais la situation politique l'affectait profondément. Elle se reflétait dans certaines de ses œuvres, notamment dans la vingtaine d'estampes de la série Barcelona. S'ajoutait à cela une profonde méditation sur l'œuvre accomplie, un retour aux sources, des doutes, l'envie de poursuivre la tâche en se renouvelant. Notre génération manque d'héroïsme et d'un esprit révolutionnaire. C'est ce que j'avais dit aux critiques des cahiers d'art qui m'interviewaient. C'est alors qu'il m'a poussé à parler de la guerre civile espagnole. Je lui ai dit que je me tenais strictement sur le terrain de la peinture. Mon Dieu, avais-je raison? Souvent mes œuvres parlent pour moi, mais est-ce suffisant? Dois-je clamer partout que je suis profondément républicain? Je rêve d'un art accessible à tous, pas uniquement réservé à une élite argentée. Le ciel entrebâillé nous rend l'espoir. Un magnifique tableau de 1954. Un titre très poétique aussi. Comme si chez Miró, poésie et peinture se complétaient. Histoire de s'en délecter, voici d'autres titres sortis de l'imagination à caractère surréaliste de l'artiste-poète. La belle comtesse montre sa vieille cuisse. Son rond ventre-éventail défie le soleil rond. Et pour terminer en beauté, la queue de son homme transperce l'arbre fleuri. Des dénominations très imagées. Miró est né en 1893 à Barcelone, en Catalogne. En 1920, il partit pour Paris, où il rencontra les hommes du mouvement surréaliste, l'écrivain André Breton, les poètes Paul Éluard et Tristan Tzara, les peintres Max Ernst, Pablo Picasso et André Masson, lequel avait un atelier à côté du sien, rue Blomé à Paris. Miró fut surréaliste, mais ne le resta pas. Le surréalisme lui permit cependant de suivre son propre chemin, libéré des contraintes artistiques qu'il s'était jusqu'alors fixées. Dans les années 50, toujours, Miró, qui rêvait de travailler en équipe, entama une collaboration avec Llorens Artigas, un ami d'adolescence. Pepito, puisque c'est ainsi qu'il le surnommait, était un céramiste renommé. Entre Joan et moi, commença une collaboration étroite dans laquelle je vis un champ illimité de possibilités. La fantaisie de Miró n'avait pas de limites, et il m'appartenait en tant que technicien d'éviter les écueils que la liberté de son invention faisait surgir à chaque instant, sans jamais rien sauver au préjudice de l'œuvre. Les tours de force techniques ne doivent servir qu'à faire ressortir tout ce que l'artiste a voulu exprimer par des procédés qui ne lui sont guère familiers et aussi à lui fournir le plus grand nombre possible des moyens que la céramique peut donner à un peintre. C'est à celui-ci à restreindre, en connaissance de cause, les couleurs de sa palette et les matières qu'il emploie. Quand nos céramiques conversent avec le paysage, c'est qu'elles sont réussies. Je vois à tes yeux qui sourient que tu es satisfait. Non, tu n'es pas complètement satisfait. Le grand vase, là, entre les arbres, ne se fond pas complètement dans la nature. Il la heurte. Il faut que j'en agrémente la texture de quelques signes. Agrémente. Agrémente, mon ami, avant que je le place dans le four. Faut que je l'examine de près. Tu veux qu'on le remonte dans l'atelier ? À vrai dire, je ne sais pas encore. Joan Miró, ou l'homme qui tournait autour du pot. Voilà que tu compares mon vase, notre vase, à un pot. Tu exagères. Encore une de mes mauvaises blagues. Ce vase, il faut bien que je l'examine sous toutes ses coutures, avant de te le confier au vénéré maître du feu. Le feu, le troisième élément après ta création et mon intervention. Dans la céramique, l'œuvre est toujours dictée par la matière. Lorsque j'ai travaillé pour la première fois avec toi, je t'ai dit... Il ne faut pas que tu deviennes Miro, il faut que moi, Miro, je devienne céramiste. Tu vois, j'ai bonne mémoire. La mémoire de ton art ancestral, quasi magique. Le feu qui transforme matière et couleur. Je suis toujours fasciné quand tu sors une pièce du four. L'art de la céramique, une œuvre collective. Œuvre collective, tu l'as dit. Et à ce propos, je rêve parfois de quitter mon chevalet et de toucher un vaste public en plaçant l'art dans la cité et ainsi de rendre à l'artiste le rôle social qu'il a perdu. Un rêve difficile à réaliser dans l'Espagne de Franco. Je n'ai rien fait pour hurler contre les fascistes espagnols, rien. Je me suis contenté de peindre, silencieusement, égoïstement. Ah. On rentre ? Je dois surveiller la cuisson de nos dernières pièces. Bon, la cuisson se passe bien. Je pense que la fournée sera bonne. À condition que je rajoute un peu de bois d'ici, une petite demi-heure. Tu as lu les dernières déclarations de Pablo ? Non. Picasso a déclaré qu'il ne remettrait plus jamais les pieds en Espagne, aussi longtemps que le général Franco dirigera le pays. Durant la drôle de guerre, je m'étais réfugié en Normandie. Je travaillais sur la suite d'œuvres que j'avais nommées Constellation, avec André Breton, qui écrivait les poèmes du recueil. Très concentré, hors du monde. Et puis, lorsque les hordes nazies ont envahi la France, je suis rentré en Catalogne. Ces paysages me manquaient tellement. Les brins d'herbe, la poussière dans le soleil, mes lieux familiers comme la ferme de Montroig, c'était une absolue nécessité. Une nécessité vitale pour peindre. Tu ne m'en avais jamais parlé. C'est que j'avais honte, qu'est-ce que tu crois ? J'ai tremblé de peur en passant la frontière. Le soldat a regardé si mon nom figurait sur cette terrible liste. Heureusement, il n'y était pas. Sans quoi, j'aurais été fusillé sur le champ, comme le poète Federico García Lorca. Heureusement que les franquistes n'ont pas compris la violence des protestations que tu exprimais dans ta peinture de l'époque. C'est tout ce que je pouvais faire. C'est tout ce que je sais faire. La peinture. Ceci dit, des âmes bien intentionnées m'ont reproché mes silences. Celui de la guerre civile espagnole, celui des armées allemandes qui déferlaient sur l'Europe. Et puis il fallait aussi que je pense à ma femme et à ma fille. Et je le répète avec force, j'avais un besoin vital de poser mes pieds de catalan sur le sol catalan. Au lieu de m'exposer à Barcelone, je me suis fondu dans l'anonymat du paysage de Palma de Mallorca, où j'installerai prochainement un grand atelier. Un ami vient de m'informer que l'UNESCO cherchait des artistes pour décorer deux murs de son futur siège parisien. Je te vois venir. L'idée, la finalité me bouleverse. Tu as des détails ? Deux murs. L'un de 15 mètres sur 3, l'autre de 7 mètres 50. Des murs destinés à réchauffer le béton de la construction. Des dimensions colossales auxquelles nos créations ne nous ont pas habitués jusqu'à présent. même si tes sculptures totem mesurent plus de 2 mètres et qu'elles sont donc monumentales. L'art pour tous, en plein milieu de la place Fontenoy à Paris. Merveilleux, non? Ah oui, oh, oh que oui. C'est en 1955 que l'UNESCO demanda à Miro de créer 2 murs pour le siège de l'organisation à Paris. Miro proposa 2 murs de céramique sur le thème de la lune et du soleil. Comme d'habitude, ses points de référence étaient les peintures rupestres d'Altamira, les fresques romanes de sa Catalogne natale et le parc Güell de Gaudi à Barcelone, les 2 premières exécutées par des mains anonymes, ce qui naturellement plaisait à Miro. En 1958, peu de temps après leur mise en place à Paris, les murs reçurent le prix international Guggenheim. Pour des raisons de conservation, les œuvres ont été par la suite recouvertes d'un abri. 1974, le Grand Palais à Paris consacra une grande rétrospective à Miro. 1974, le général Franco condamna à mort Salvador Puigantix, jeune anarchiste catalan, et souleva ainsi l'indignation de tout un peuple, dont celle de Miro. Nous y reviendrons. Rendons-nous dans un premier temps au Grand Palais. Hier, au vernissage, une dame m'a appelé maître. Je lui ai dit très gentiment que cette dénomination, certes flatteuse, ne me plaisait guère, car elle me figeait dans le passé, me condamnant en quelque sorte à cesser de me renouveler. Il faut que chaque œuvre soit une nouvelle naissance. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, mademoiselle. Roxane. Bonjour, Roxane. J'ai vu votre photo dans le journal. Donc, tu sais qui je suis? Joan Miro. Tu t'intéresses à la peinture? Plus tard, j'étudierai aux Beaux-Arts. Ah, c'est bien. Tu sais ce que tu veux. Là, je participe à un atelier de peinture pour enfants. On essaie de copier votre tableau. La faire? C'est pas facile. Il y a tellement de détails. J'imagine. Un lieu où j'étais très heureux. Mes parents ont acheté cette ferme quand j'avais 17 ans. Le tableau, il date de 1921-1922, est le résumé de toute ma vie à la campagne, du grand arbre au petit escargot. Où se trouve la ferme? Dans un village qui s'appelle Montroig, en Catalogne. Montroig veut dire Montrouge en français. Il y a là-bas de magnifiques rochers tout rouges. On dirait que le poulailler est ouvert et que les animaux vont sortir. En réalité, il est fermé. Mais je l'ai peint partiellement ouvert pour que l'on puisse regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Le coq perché sur le réservoir d'eau. 4 lapins, 1 chèvre, 2 poules et 10 pigeons. Cette façon de peindre rend ma ferme pas complètement réaliste. Je la réinterprète en quelque sorte. C'est l'écrivain américain Ernest Hemingway qui acheta la ferme. Miro et Hemingway, prix Nobel de littérature, étaient très liés, même sur le plan sportif. Ils faisaient ensemble de la boxe. La ferme, aujourd'hui exposée à la National Gallery of Art de Washington, est une huile sur toile exécutée entre 1921 et 1922. Elle constitue l'œuvre maîtresse de la période détailliste du peintre. Au milieu des années 60, Miro transforma en bronze les formes produites à partir de l'assemblage d'objets et en 1967, il introduisit la couleur dans la sculpture. Roxane, toujours au Grand Palais, discute avec Joan Miro devant l'une d'entre elles, intitulée « La caresse d'un oiseau ». Tu es une artiste en herbe, une future collègue. J'espère bien, grave. La caresse d'un oiseau. Il est joli le titre que vous avez donné à cette sculpture. J'adore donner des titres poétiques à mes œuvres. Tiens, par exemple, libellule aux ailerons rouges à la poursuite d'un serpent glissant en spirale vers l'étoile comète. Oh, on dirait une histoire pour enfants. On pourrait presque la raconter. Pareil pour la caresse d'un oiseau. C'est si joli. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête du personnage? Ça ressemble à un caillou avec des cornes. Cette forme représente un oiseau. Il est bleu, comme le ciel, pour moi la couleur des rêves. C'est lui, peut-être, qui caresse le personnage de son aile. C'est quoi la chose rouge qui ressemble à une tortue? C'est une carapace de tortue. Je l'ai trouvée en me promenant. Je l'ai ramassée et rapportée dans mon atelier. Longtemps après, je lui ai trouvé une autre fonction. Elle est ainsi devenue une partie de la sculpture. Pour la tête, j'ai utilisé un vieux chapeau de paille que j'ai percé de deux carrés. Pour faire les yeux ? Exactement. Le buste est une planche de bois qui servait de table et que j'ai percé d'un cercle. Pour les jambes, je me suis servi d'une autre planche sur laquelle j'ai collé la carapace de tortue. Trop drôle. Mais pourquoi est-ce que vous travaillez avec des objets trouvés ? J'aime les objets qui ont eu une vie. Leur forme m'attire et m'en inspire d'autres. Quand je les trouve, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Puis un jour, dans mon atelier, je les réunis et je les assemble pour qu'ils commencent leur nouvelle vie. Trop fort. Faudra que j'essaie. Je demanderai à ma prof d'art. Il y a un truc que je comprends pas. Oui ? Comment tous ces objets se transforment en bronze coloré ? Le chapeau de paille ou les planches ne peuvent pas constituer une œuvre durable. Il faut donc traduire l'assemblage que j'ai imaginé dans une autre matière, comme le bronze. Les objets servent uniquement à créer un moule. Une fois le moule réalisé, on y coule le métal que les fondeurs ont fait chauffer à une très haute température, jusqu'à le remplir complètement. Ainsi, par exemple, le bronze prend exactement la forme du chapeau de paille. Quand il aura refroidi, on ouvrira le moule et on obtiendra une sculpture de couleur sombre sur laquelle ensuite j'applique les couleurs que tu vois devant toi. Je trouve que la caresse d'un oiseau est plus intéressante devant que derrière, non ? Tu es à un âge où on ose dire les choses. Pourquoi y a-t-il des trous dans la sculpture ? Que l'on regarde la sculpture le jour ou la nuit, on peut voir l'espace qui apparaît à travers son buste ou ses yeux. On y aperçoit le bleu du ciel ou les étoiles. J'aime quand l'environnement, la nature, entre dans mes œuvres. Le personnage est grand, mais il ne fait pas peur. Comme un monstre sympathique. Il a quelque chose d'irréel, oui. Maintenant, petite Roxane, donne-moi ton bloc à dessin. Je vais t'en faire un. En souvenir de notre rencontre. Vrai ? Si je te le dis. Oh, je le garderai toute ma vie. Roxane ? Je viens rêver. Qu'est-ce que tu fais, Roxane ? Bon, j'y vais. Tu reviendras, j'espère. Il ne faut jamais abandonner ses rêves. Une année terrible, nous l'avions dit, pour l'Espagne et Joan Miró. Que se passait-il exactement ? Salvador Puig i Antich, né le 30 mai 1948 à Barcelone, était un anarchiste catalan, membre actif du mouvement ibérique de libération. Le jeune homme sera exécuté par le régime franquiste le 2 mars 1974, et ce, malgré l'indignation horrifiée de tout un peuple et les tentatives de Joan Miró de l'empêcher. Nous allons voir comment. L'artiste descend dans son atelier et se demande ce qu'il peut faire pour que Franco sursoie à l'exécution. Je ne peux pas laisser faire cette ignominie. Miró s'assied sur une marche de l'escalier. Je sais que la femme de Franco est une catholique fervente. Je vais tenter de joindre Paul VI. Peut-être parviendra-t-il, lui, à convaincre Carmen Franco d'intervenir auprès de son mari pour qu'il laisse la vie sauve à Antich. Je ne peux plus me tenir strictement sur le terrain de la peinture. Le peintre poursuit la descente de sa périlleuse échelle, pesamment, ruminant. Arrivé dans son atelier, son refuge, il s'arrête devant l'œuvre qu'il est en train de réaliser. Je suis catalan, profondément catalan, mais pas séparatiste. Mais peu importe. Je suis simplement un être humain qui aimerait croire dans les valeurs humanistes. Là, Joan Miró reste figé devant un ensemble de trois toiles qu'il va intituler « L'espoir du condamné à mort ». Nous sommes fin février 1974. L'exécution du jeune anarchiste est prévue, nous le savons, pour le 2 mars. J'espère que sa sainteté répondra favorablement à ma supplication, qu'est celle de tout un peuple dont je ressens profondément l'angoisse. Joan Miró prend ses pinceaux et applique des couleurs sur son triptyque. Il n'y a pas si longtemps, à la demande des étudiants en architecture de Barcelone, J'ai peint une œuvre éphémère qui fut placée sur la façade du bâtiment. Une œuvre contestataire. La peinture comme soutien à la protestation d'une jeunesse bâillonnée. C'était la première fois que l'artiste descendait dans la rue avec sa brosse et ses couleurs. Cet acte de solidarité sera suivi d'un autre. C'en était trop. Il a bien fallu que je participe aux manifestations de protestation contre la dictature, qui par sa cruauté montrait qu'elle était blessée à mort, mais que dans un de ses derniers soubresauts, elle s'apprêtait encore à assassiner. Joan Miró, si discret sur sa vie personnelle, ne dira jamais à personne, sinon à ses proches, qu'il avait essayé de sauver le jeune condamné en téléphonant au pape. Je vous remercie du fond du cœur, votre sainteté. Et vous, comme moi, chacun en fonction de nos moyens, nous tenterons l'impossible. Merci de m'avoir accordé cet entretien téléphonique. En dehors de l'horreur qui nous a occupés, Paul VI a eu des mots charmants et très justes sur mon travail. Bon, il m'a cependant quelque peu tensé sur l'érotisme, parfois trop appuyé de certaines de mes toiles. 1er mars 1974, plus qu'un jour avant l'exécution du jeune anarchiste Salvador Puig-Antich. Aucun signe de grâce, rien. Miró plus que jamais se plonge dans le travail, mettant la dernière touche à son œuvre. Sur fond blanc-gris, l'espoir du condamné à mort. J'ai choisi de m'éloigner de mon langage plastique habituel pour essayer de tracer des grosses lignes créées d'un seul geste, de les dessiner avec un pinceau en un instant pour aboutir à la liberté. La ligne est ouverte, telle une question sans réponse, et elle se réduit au fur et à mesure des trois peintures, comme la vie et l'espoir du condamné. On aurait tort cependant de prendre ce triptyque comme le résumé du calvaire d'Antich ou de croire Miró uniquement préoccupé de combattre les injustices d'un régime pourrissant. Simplement, 40 ans après ses premières colères devant la bêtise qui parfois ronge le monde, le Catalan était encore capable de crier à travers sa peinture son dégoût. Nous sommes le 2 mars 1974 maintenant. Comme chaque jour, Miró descend dans son atelier. Il ne lui reste plus qu'à vérifier que son triptyque est conforme à ses attentes. Comme souvent avant d'aller peindre, Miró s'assied sur l'une des marches de l'escalier, des marches jonchées de recueils de poésie. Il en saisit un au hasard. La lecture d'un poème le met toujours en condition pour peindre. Elle est venue par cette ligne blanche, pouvant tout aussi bien signifier l'issue de l'aube que le bougeoir de crépuscule. Elle passa les graves machinales, elle passa les cimes éventrées, prenait fin à la renonciation à visage de lâche, la sainteté du mensonge, l'alcool du bourreau. La liberté, un poème de René Char. Joan Miró pose précautionneusement le recueil sur la marche, puis se relève. Il descend le reste de l'escalier. Arrivé devant l'espoir du condamné, il se fige, contemple son travail, puis le signe. Au même moment, le téléphone sonne. Allô ? Miró restera longtemps avec le combiné à la main. Au moment où le peintre venait de signer son œuvre, Salvador Puig-Antich, anarchiste catalan, venait d'être exécuté par le supplice du garrot. Joan Miró mourut 9 ans plus tard, en 1983. Dans sa Catalogne qu'il aimait tant, trois fondations rappellent son œuvre. La première à Barcelone, la seconde à Palma de Mallorca et la petite dernière à Montroïg, où le visiteur peut se recueillir dans son atelier et admirer les somptueux rochers rouges. Tentons une ultime fois de percer la carapace de Joan Miró. Je suis d'un naturel tragique, taciturne. Dans ma jeunesse, j'ai connu des périodes de profonde tristesse. Maintenant, je suis équilibré, mais tout me dégoûte. La vie me paraît absurde. Ce n'est pas le raisonnement qui me la montre ainsi. Je la sens comme ça. Je suis pessimiste. Je pense que tout va toujours tourner très mal. S'il y a quelque chose d'humoristique dans ma peinture, je ne l'ai pas cherché consciemment. Cet humour vient peut-être de ce que j'éprouve, le besoin d'échapper au côté tragique de mon tempérament. C'était « Je me tiens strictement sur le terrain de la peinture » Joan Miró, de Léo Kösten. Avec Vanda Bénès, la récitante, Sylvain Clément, Joan Miró, Charles Gonzalez, Lioren Artigas, dit Pepito, Sandrine Lebert, Roxane, Nicole Sigal, le professeur de dessin, prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan, Fabien Capel. Assistante à la réalisation, Manon Dubus et Louise Loubrieux. Réalisation, Michel Sidorov. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su fin mola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de como el lomo de un armiño, con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo, y yo no me lo callo. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Pues el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Affaires sensibles, la fiction. Niro, vous m'avez dit récemment, voilà où j'en suis, plus loin que la peinture de Chevalet. Oui. Qu'entendiez-vous par là? Évidemment, parce que j'estime que la peinture de Chevalet n'est qu'une chose expérimentale, une chose de laboratoire par laquelle est nécessaire passer, mais qui doit nous amener beaucoup plus loin que ça. Et alors, vous voudriez quoi à la place? Écoutez, moi, je voudrais avoir un contact physique, pour ainsi dire, avec les gens, avec les peuples, avec les hommes, quoi. Aller jusqu'à un art collectif. C'est cela, oui, et anonyme. Les fresques romanes n'ont pas été signées par leurs auteurs, les pyramides d'Égypte non plus. Pour faire une peinture murale, il faut que celle-ci soit dictée par l'architecture, par les formes, par les volumes et par tout l'entourage, jusqu'à ce qu'il y ait une fusion complète entre paysage, architecture et peintre. C'est une chose tout à fait anonyme, impersonnelle. Cependant, vous signez vos toiles. Oui, je signe mes toiles, mais je les signe derrière, pas sur la surface peinte. Ce qui n'empêche qu'on peut les reconnaître au premier abord. On voit une toile, un coup d'œil, on dit c'est un Miro. Oui, évidemment, parce que moi je parle d'une chose très directe, nullement intellectuelle. Vous partez d'une toile vierge? Oui. Non, jamais. Jamais d'une toile qui sort de chez les marchands de couleurs. Je provoque des accidents, soit en nettoyant les broches, soit en faisant une tache de couleur. Ou... C'est ça. Moi je parle toujours du choc. Vous m'avez dit qu'il fallait toujours respecter la matière. Ah, mais évidemment. La matière, c'est le point de départ. On doit avoir le plus grand respect pour la matière. Comme avec la céramique, c'est la matière du vase qui m'a dicté ce qu'il fallait faire. Moi, je fais nullement de la fantaisie. Je travaille dans une discipline très, très, très sévère. Vous collaborez avec des artisans, soit pour faire des bronzes, soit pour faire de la céramique. Mais vous ne collaborez pas lorsqu'il s'agit, par exemple, de peinture. Vous n'avez pas un atelier, par exemple, avec des élèves... Non, parce qu'on a... Par des peintres la veille, il y a 3 siècles. Ah oui, mais ça, on ne peut pas faire ça maintenant. Je ne demande pas mieux. Pourquoi ne peut-on plus le faire? Parce que tout le monde est encore trop individualiste. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Joanne Miro, Je me tiens strictement sur le terrain de la peinture. Notre invité, Jean-Louis Pratt, historien, commissaire de l'exposition Miro au Grand Palais, la première à Paris depuis 1974. Bonjour Jean-Louis Pratt. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien d'art, vous avez été l'ami de Joanne Miro, vous avez dirigé la fondation MAP à Saint-Paul-de-Vence et vous êtes le commissaire de l'exposition Miro du Grand Palais qui fermera ses portes, comme je le disais au début de l'émission, le 4 février de cette année. J'en fais une pub bien appuyée parce que c'était une superbe exposition. Merci. Voilà, et on peut vous conseiller à nos auditeurs d'y aller. Alors avant de parler de Miro, l'homme, le poète, de l'histoire de la Catalogne et de l'Espagne, de sa vie à Paris, de ses amitiés et de votre amitié avec lui, donc vous allez pouvoir nous parler un petit peu de l'homme. On est curieux hein, de découvrir qui se trouve, à défaut de se cacher derrière le peintre. Mais enfin, est-ce qu'il y a déjà, c'est pas une question, il y a une touche Miro, d'accord? Qu'est-ce qui fait la touche Miro dans la peinture? Le risque permanent qu'il met dans son geste, dans ses idées, et d'être en accord avec lui-même, bien entendu, mais aussi à travers ce qu'il connaît, ce qu'il voit, le temps qu'il traverse. Et Miro a été quelqu'un qui nous a révélé, je dois dire, le XXe siècle d'une autre façon. Il n'était pas dans la figuration, il n'était pas dans l'abstraction. Il a inventé ce langage poétique qui lui est propre et qui a fait de lui quelqu'un de très différent, même des autres peintres surréalistes, mouvement auquel il a appartenu à un moment, mais dont il n'a jamais dépendu. Pas de chapelle? Non, pas de chapelle. Miro était un homme trop indépendant pour cela. Vous savez, il a puisé ce bon sens, je crois, dans sa Catalogne, dans son sol, dans cette terre qui est également une terre d'ouverture. Elle est ouverte sur la mer, elle est ouverte sur d'autres formes de culture. Miro savait reconnaître ça. Et puis il avait la connaissance intuitive de ce sol, de cet art populaire, de ces églises romanes qui peuplent la Catalogne, également de Gaudi. Ah ben oui. Qu'il adorait, ben oui, et qu'il allait voir régulièrement, et qui a forgé aussi une partie peut-être de son langage, mais dont il s'est toujours départi, parce qu'il y avait un sentiment de liberté chez lui qui fait quelqu'un et qui fait que Miro n'appartient justement pas à aucun mouvement, à aucune école. Il est celui qui trace sa route pendant 70 ans et qui nous invente un langage dont on peut dire que du début à la fin, il prend des risques. Ouais. Alors, vous l'avez connu, vous avez été son ami. Et quel était son... Est-ce qu'il avait d'ailleurs un engagement catalan, politique, par rapport à la Catalogne, la guerre d'Espagne comment il ressentait ça? Est-ce que ça faisait partie de son être? Est-ce que c'était important? C'est un des rares artistes, d'abord, qui ait vu tout à fait la montée du populisme ou du fascisme. Je serais curieux de voir ce qu'il dirait à l'heure actuelle. Et je dirais qu'il a tout à fait compris cela. Il l'a mis en exergue, il l'a mis en évidence. Et il a vécu avec ça, en mettant en place, à partir des années 30, quelque chose qui, avec Picasso, forge un nouveau langage. Ça n'est pas par hasard qu'ils se sont retrouvés tous les deux, mais avec deux autres artistes, Julio González et Sandy Calder, à faire le pavillon de l'Espagne républicaine en 1937. Donc, c'est quelqu'un qui a tout de suite compris que on ne pouvait pas révéler quelque chose seulement pour dire ce qu'il en était. Il fallait aussi s'impliquer dedans et s'impliquer soi-même. Et donc, à travers ça, amener une sensibilité différente. Et Miro a puisé, il est vrai, à travers les poètes, à travers les écrivains, quelque chose de particulier, de Tristan Tzara à Paul Éluard, jusqu'à René Char, vous avez cité, ou Jacques Dupin, qui a beaucoup compté pour lui, et qui a été d'ailleurs l'auteur de la dernière exposition rétrospective de Miro à Paris, en 1974. L'exposition du Centre Pompidou, superbe, en 1905, était une exposition... En 2005. 2015, pardon. 2005. Mon Dieu. Rassurez-vous, je n'y étais pas. Donc, mais j'ai vu celle-là. Mais j'ai accompagné aussi Miro dans celle de 1974, qui avait été réalisée par Jacques Dupin. Et donc, ce sont deux expositions, une autour du surréalisme, mais qui racontent, voilà, et depuis 44 ans, il n'y avait rien eu de Miro. Donc, en tant que rétrospective complète, en tout cas, parce que c'est vrai, on le rappelle, 2005, c'était sur le surréalisme. Voilà, c'est une rétrospective qui met bien, je dirais, en évidence, comme ça, ses recherches très nouvelles, à travers les formes, les couleurs, les matériaux. Miro adorait interroger les matériaux. Il a travaillé sur des supports très différents. Et il le disait dans l'archive qu'on entendait tout à l'heure. Alors, comment vous avez construit le parcours de cette exposition? Ah, le parcours, eh bien, suit sa vie. Oui. Et suit sa vie, et je dois dire que c'est un déroulement qui fait toujours dire des choses neuves, parce que lui, il les dit, tout simplement. Et donc, à partir de là, je me suis... J'ai rencontré tout simplement Miro dans sa vie. Vous êtes laissé porter par la vie et l'œuvre, quoi. C'est porté par la vie et par l'œuvre. Depuis les années 1900, quand il commence à travailler à Barcelone, dans cette Barcelone qu'il adorait, mais dont il savait aussi qu'il fallait s'en extraire et venir à Paris à la rencontre des autres, et puis faire ces rencontres merveilleuses qui vont lui donner aussi le sentiment que d'un seul coup, il découvre quelque chose qui correspond à ce qu'il est. Et la liaison entre les paroles, les cris et la peinture va forger chez lui quelque chose de tout à fait indépendant, qui a surpris même les surréalistes, même André Breton, ou tous les grands peintres de l'époque. Ils étaient tous étonnés de voir Miro travailler sur une toile vierge, par exemple. À l'époque, on travaillait toujours sur une toile préparée. Le fait de travailler comme ça, de poser des couleurs directement sur quelque chose qui n'avait rien connu, qui sortait du tissage comme ça, c'était quelque chose de bouleversant, c'était iconoclaste. Mais Miro ne faisait pas ça pour surprendre les autres, c'était pour surprendre lui-même. Il n'a jamais cherché à plaire. Miro n'a jamais refait, il n'a jamais redit. Il a toujours, comme ça, amorcé quelque chose. Et quand il a dit « je veux assassiner la peinture », c'est vrai, comme il l'a dit aussi de la céramique, « je veux de l'assassinat de la peinture à la céramique », ça le conduit aussi à la sculpture. Et il a conduit, comme ça, toute sa vie, dans des recherches nouvelles, puissantes, qui sont très cohérentes les unes par rapport aux autres. Et de décennie en décennie, on arrive jusqu'à la fin, où il dira à la fin, les gens comprendront de mieux en mieux que j'ouvrais des portes sur un autre univers, en dehors des idées fausses et de tous les fanatismes. Et c'est vrai que Miro a ouvert des portes sur un monde singulier, puissant, neuf, qui semblait comme ça tellement facile et qui ne l'était pas. On pourrait dire Miro l'audace, mot qui pourrait résumer son parcours. Puisque vous avez été ami, un mot de l'homme, quel genre d'ami, quel genre de copain, d'ami, ça, c'était, quel genre d'homme il était? C'est un homme qui avait tout de suite la connaissance des autres, parce qu'il avait la connaissance de sa terre, il avait tout de suite reconnu les choses les plus simples, et il avait interrogé, c'est comme ça d'ailleurs qu'il construira même son œuvre, en ayant interrogé, par exemple, dans ce tableau qui est très fondateur du début, qui appartient à Hemingway, la ferme, où on le voit interroger entre la terre et le ciel, ce qui fait les éléments, ce qui constitue les éléments de la vie qui nous entourent, et en leur donnant, comme ça, une reconnaissance tout à fait nouvelle, mais en mettant en évidence, oui, quelque chose que l'homme plante, sème, ou qu'il récolte, et puis cette interrogation sur le ciel, non pas d'une manière métaphysique, pour se dire qu'il y a quelque chose d'étonnant là, et qu'il va adhérer à une idéologie ou à une religion, pas du tout. Interroger l'espace, interroger la puissance d'un bleu, d'une couleur de la terre, et faire vivre à travers ça des sujets auxquels on ne s'attendait pas. La ferme que vous avez citée, ben on en parle dans la fiction, et dans 3 minutes on va se retrouver et on ira plus en détail dans quelques tableaux, non pas qui résument Miro, parce que j'ai bien compris qu'on ne le résume pas, mais qui constituent des vrais marqueurs de Miro. Je pense à l'oiseau migrateur, je pense au carnaval d'Arlequin et donc à la ferme. À tout de suite. Ouvre la porte du jardin que personne n'a poussé. Ce pas à pas, ta boussole et ma voix. Emprunte l'allée des rosiers que personne n'a emprunté. Des fleurs en hiver, tropicales éphémères. Tout le long du passage, je respire. Je rappelle que vous avez été l'ami de Joanne Miro, que vous avez dirigé la fondation pendant 15 ans de Vence, voilà, et que vous êtes d'ailleurs invité à l'escalité pour ça aussi, le commissaire de l'expo Miro au Grand Palais jusqu'au 4 février prochain. On va entrer un peu dans le détail de quelques tableaux. D'abord, est-ce que on peut poser la question à un admirateur de Miro, quel est votre tableau préféré? Est-ce que ça ne revient pas à demander à des parents quels sont leurs enfants préférés? C'est un peu infernal comme question, je vous la pose quand même. La réponse. C'est dur, hein? Peut-être l'espoir du condamné à mort. Pourquoi? Parce que ce triptyque extraordinaire ouvre encore dans les années 70 un univers extraordinaire auquel on ne songeait pas. Quand Miro songe à cet homme qui va être garrotté, le dernier sous Franco, et qu'il entreprend cette interrogation sur la vie de tout homme, finalement la brièveté d'une vie, et de se dire que, tiens, qu'est-ce qui se passe avant, après? Il va pas se lancer à l'aventure d'un côté gestuel, mais il va lancer à l'aventure qui est le résultat de tout ce qu'il a appris avant, hein, de tout ce qu'il a fait avant. Parce que il y a beaucoup d'autres tableaux. Vous me demandez ça un peu à l'improviste. J'ai tous les tableaux de Miro en tête, au sens où je les aime tous et j'extrais peut-être. C'est pour ça que c'est pire que demander à des parents qu'elles sont. Non, parce que je dirais les grands bleus, mais il y a tellement toutes les périodes. Eh ben, je vais vous aider. L'oiseau migrateur, allez. L'oiseau migrateur, il y a plein. L'oiseau intervient, les astres interviennent, la lune, le soleil, les étoiles. Il y a un univers comme ça, poétique, chez Miro, qu'il met à notre portée. Vous savez, il met à notre portée l'espace. On interroge l'espace. L'homme a toujours voulu conquérir l'espace. Il y est allé, il emploie des fusées. Lui, il nous l'amène. Il nous amène ça, il nous amène dans ce bleu extraordinaire qui nous entoure. Il est un peu gris aujourd'hui, mais il y a comme ça ces couleurs dont il va se servir, les couleurs de la terre également, qui pour lui racontent quelque chose de profondément juste, qu'il interrogera. Cette terre que nous foulons, elle révèle des choses qui sont révélées aussi par les saisons, et donc qui poussent, et qui poussent avec quoi? Avec l'aide de l'homme qui travaille. Et Miro respectait beaucoup le travail des uns ou des autres. C'était vrai d'ailleurs pour tous les collaborateurs, les gens qui travaillaient avec lui. Il n'avait pas de collaborateurs pour l'aider à faire ses peintures, il l'a dit lui-même, mais il a travaillé avec des lithographes, avec des graveurs, avec des gens qui, dans l'édition ou dans d'autres domaines, pouvaient lui apporter quelque chose. Et il était très respectueux de ça. C'était un homme humble, simple, mais qui avait le génie, tout simplement, lui, et qui l'a exercé. Picasso a été fasciné par son œuvre, comme d'autres grands peintres, tous les grands peintres. Et Calder l'admirait énormément, un sculpteur. Ils ont fait ensemble, d'ailleurs, les Constellations, dans les années entre 39 et 42, une série formidable en gouache sur papier, parce qu'on ne peut pas travailler sur d'autres fonds à ce moment-là, et on ne trouve pas des supports comme on le voudrait, pour Miro et Calder dans l'espace. Mais c'est une interrogation constante qui me fait dire que peu d'artistes ont su se renouveler de cette façon-là, en ayant également toujours en tête une liaison avec ce qu'il a connu et le respect que l'on doit à ceux que l'on rencontre, à la terre que l'on foule ou au ciel que l'on interroge. Et aux guerres que l'on croise aussi. Parce que vous avez parlé de Picasso, évidemment, Guernica, pour les horreurs de la guerre, mais chez Miro, Le Faucheur. Alors, Le Faucheur est un tableau qui existe, qui n'existe plus malheureusement, mais qui a existé, et que Miro avait créé pour le pavillon de l'Espagne républicaine, mais qui a été, hélas, détruit, parce qu'il était en plusieurs parties. Miro avait travaillé sur un genre de cellotex, enfin de contreplaqué, et il était en plusieurs parties. Et il a été démonté, mis sûrement comme ça à terre, avant qu'on démonte le pavillon, et ils ont tout emporté, ils l'ont démoli. Sinon, il serait évidemment le tableau qui se retrouverait en face de Guernica, au centre Reina Sofia à Madrid, et qui témoignerait également de l'horreur que Miro a entrevue arriver. Et il voyait ça. Il a vu cette montée du fascisme, et pour lui, c'était des cauchemars. C'est pour ça que d'un seul coup, on abandonne le côté des formes idéalisées pour voir apparaître des formes plus grotesques et qui sont également très inquiétantes, mais qui révèlent également le temps dans lequel on vit. Et quand je vous parlais des Constellations en 39, il n'y a plus d'espoir, la guerre a éclaté, la guerre en Europe. Et donc Miro va se consacrer à une interrogation qui donne un espoir à la peinture. Miro a toujours donné un espoir. C'est pour ça que les gens, des fois, ont confondu l'espoir, l'humour ou la caricature. Mais il n'y a pas de cela chez Miro. Bon, bah, il faut aller parfaire sa culture de Miro au Grand Palais, tout simplement. Que vous disent les gens quand ils ressortent de... Qu'est-ce que vous avez gardé comme réaction? Moi, je suis très surpris de voir des gens très jeunes, des enfants. Ouais. Ou les personnes plus... On comprend les enfants. On comprend qu'ils puissent Sont admiratifs de l'œuvre de Miro du début à la fin. Oui. Et je dois dire également, curieusement, peut-être, des gens plus âgés qui d'un seul coup se disent, mais on a peut-être loupé quelque chose. Ils nous révèlent quelque chose. Ils nous montrent finalement la vie telle qu'on peut l'imaginer en partant du réel. Parce que l'imagination est toujours en cours chez Miro. Elle fait la partie belle au rêve, mais elle prend toujours appui sur une réalité, sur quelque chose de concret. C'est pour ça, sans doute, qu'il a une puissance particulière et qu'il a évité le domaine de l'inconscient qui avait été révélé un peu par les surréalistes et auquel Miro a toujours voulu échapper. Et cette réalité, cette part de réalité, lui fait dire des choses qu'auxquelles personne n'avait songé. Bien. Mais ce sera le mot de la fin, parce que ça résume bien le personnage, après tout ce que vous avez dit. Merci infiniment, Jean-Louis Prat, pour vos éclairages sur la vie et l'œuvre, surtout l'œuvre de Miro. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Joan Miro, Je me tiens strictement sur le terrain de la peinture. Une fiction écrite par Léo Costen, réalisée par Michel Sidorov. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Annie Euro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Stéphane Beaujat et Julien Chabassu.